cette mafia, cette organisation la plus hors la loi, l'Élysée Matignon. Ils prient Dieu à leur table, parlent le langage du diable. Si ça pète, qu'ils n'espèrent jamais la paix. Ils aboient l'un sur l'autre comme des chiennes qu'ils sont, pratiquent le mensonge comme on chante à Kingston. Parle des banlieues en France comme d'un pays lointain. Nous raquettent une fois l'an et nous baissent bien. C'est eux les putains, ils marchent par clan. Leur parrain intouchable, mais jusqu'à quand? Attends, des Maxime Brunerie, y'en a tant. Tenter l'impossible, c'est le sport des résistants. L'Élysée est la mafia, la plus désordonnée. Tu y trouves des pseudos, Don Corleone. Les gangsters de Matignon, on voit leurs chiens enragés. Sur nos enfants et nos frères engagés, roulent dans des gros fers que la corruption leur a offert. Et pour rien, les miens sont enfermés. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la force du macadam est ciné. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Tout va péter, c'est pas du ciné. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la vraie peine et la rage incarnée. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Quand tout va péter, faudra pas couiner. Leur arme est maudite, rien de romantique. Bida, ces flics font le taf de façon robotique. Ces gangsters n'ont pas de courage ni de cœur dans le thorax. Alors je me torche avec leur carte électorale. Des enfants gâtés que la vie n'a pas maté. Le joujou nucléaire à leur portée, que veux-tu que j'en pense? Ils favorisent leur descendance au détriment de la crise du logement en France. À quand le retour de la guillotine? L'histoire mutilée, il manque des pages dans le livre de la vérité. Qu'ils le sachent, ces hommes sans papier sont mes frères. Chaque expulsion est une raison pour la guerre. J'ai l'anarchie sur le bout de la langue. Quand je vois ce pantin, les bras ballants, se détendre au câlin. Ils ont des pleins pouvoirs, peuvent m'avoir. Mais Dieu sait que les enfile, ils n'auront jamais ma voix. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la force du macadam est ciné. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Tout va péter, c'est pas du ciné. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la vraie peine et la rage incarnée. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Quand tout va péter, faudra pas couiner. Je pense qu'on est passé depuis le 29 mai à une nouvelle phase de cette crise de régime qu'on connaît depuis longtemps, qui est un Élysée sous influence très forte de Matignon. Ils nous bassinent avec leur mentalité raciste. Parle d'action à mener, mais reste assis. Il a voulu test. Les jeunes lui ont dit, ta loi pue la merde, on va te la refoutre dans les fesses. Au mieux ce son tournera sur génération, parce qu'ils mentent quand ils parlent de liberté d'expression. Leur putain de méfaits tiennent dans des lits plus épais que le code civil lui-même. Les seuls criminels qui ont pas besoin d'arroser juges et poulets, issus du même gang qu'on ne peut écrouer. Ces gangsters, je te le garantis, ne marcheront pas tranquilles tant qu'il y aura injustice dans nos vies. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la force du macadam est ciné. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Tout va péter, c'est pas du ciné. Ces gangsters qui nous gouvernent ont trop sous-estimé la vraie peine et la rage incarnée. Le drame à l'autre bout de la mèche, ils ont laissé une brèche. Quand tout va péter, faudra pas couiner.